Bonjour cancer, ami cancer, ascendant cancer, je suis heureuse de vous retrouver pour effectuer l'oracle de Béline, le petit tirage concernant vos amours pour octobre 2023. On va voir quel sera le conseil ou pas, le conseil ou en tout cas les grandes tendances de 2023 pour vous en octobre, hein, pour les amours. On y va, c'est parti. Alors la coupe. Ah tiens, ben, la coupe, elle indique que peut-être que vous allez davantage sortir, ou en tout cas, vous allez devoir sortir, peut-être vous forcer par rapport à un petit repli sur vous-même au mois d'octobre. Mais ça, c'est la coupe, elle colore le jeu, elle ne fait pas tout le tirage. Donc, on va regarder pour vous, que vous soyez célibataire ou en couple. Hein. Cancer, tiens, il y en a deux qui viennent, je les mets là. Quel est le tirage ? D'accord. Oui, ça parle de ça, hein, d'invitation. Écoutez, pour vous, alors, si vous êtes célibataire, moi, j'ai pas de rencontre particulière. Par contre, cela vous indique que, bon, vous allez être, au tout début de mois, où vous avez été dernièrement, mis en valeur d'une certaine façon. Vous avez retrouvé confiance en vous, de toute façon. Vous croyez en vous. Quelle que soit votre vie relationnelle actuelle. Et par rapport à cela, c'est bien parce que ça va vous apporter, justement, cela attire le monde et vous allez avoir beaucoup de nouvelles, beaucoup d'invitations, regardez, de la part des amis, de la part de la famille, et vous allez voir du monde. Et en gros, le message est de profiter au maximum de vos proches, amis, famille, selon les deux, hein, bien sûr, pour certains. Et concentrez-vous là-dessus, carpe diem, profitez à fond de ce moment, de ces moments présents. Ne vous prenez pas la tête concernant les couples, l'amour, pour l'instant. Nourrissez-vous de ces échanges, de ces partages familiaux et amicaux qui seront très bénéfiques pour les couples. Si ça n'allait pas, eh bien, c'est justement des rencontres amicales, familiales, qui vont vous aider un petit peu à apaiser les choses pour l'instant. Donc, concentrez-vous là-dessus et ne remettez pas d'huile sur le feu pour l'instant. Et si les couples allaient bien, eh bien, une fois de plus, profitez du mois d'octobre pour inviter, pour recevoir, pour également vous-même rencontrer vos amis, votre famille, puisque cela vous unit encore davantage. Voilà, j'espère que vous avez compris le message. En tout cas, je vous souhaite un beau mois d'octobre.